L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais conducteur. Tuna mama prophétesse biblia ayebisayo sekele ya mbongo ye. À cause de l'argent, Anani Ana Safira Bakoufa Kalikolo et Lukoso Yambongwa Hirangana Bangou Moukou. Wotonda na bwanya meke Yebele ya badi promena tirware Doktora kaka yoye Engenyere kaka yoye Informaticien kaka yoye Licencié kaka yoye Kasi soki ozangi mbongoye Osangani renyo ya famille yo Surtout katina matanga Oligiko misalikanisi ya malamwe Yobi mabwe na nzela na boulevard poto yo doko kunda Kanga monoko Chaki combien na le kino kuta kombo gangi la yo ah mawe bona zangi mbongo e bona zangi mbongo e boye nange ke ina mayo bokutu nange baby ko beba e mbongo loko mabeo mbongo loko maramwe mbongo loko mabeo mbongo loko maramwe Sanctification, comme la canité, comme la canne, ma béo, aux alabassi, mi baléteo, au qui colline à moi, sa monimateo, à mon amour, toi d'amolina, c'est sanctification, kasi soki a commis na mamoué, soki a tombé à mina, mokiwo, a commis qu'on change ma té, au qui comme la canne, au qui comme la naombe, canio, bonne somana. Salaka et Lili na Yesu Chame Wale komi li pengui Wale komi li pengui Leko nango salaka kote a boyete Mongo loko mabeo Mongo loko malamwe Mongo loko mabeo Mongo loko malamwe Okanisi olati line Togo Mongo loko mabeo Okanisi olati bilamba Kondo kote akana mboka yehehe Mbanga kongo li neglize Mbanga sombi ba ministere Soki motwa ye mbala liboso Ala ati kazaka ye Bapole kisa ye kakase liboso ye Kasi oye ala ati mapapa ye Bapole kisa ye nasima ye Batwe ya mbongo lelo ye Misusu bakomi bapote oh Mbongo longo li bato na nzela Mbongo komisi bato ne karema Mbongo loko mabe oh Mbongo loko malamwe Mbongo loko mabe Mbongo loko mabe oh Mbongo loko malamwe Mbongo loko mabe oh Sipoza la mongu na mote Mbongo loko malamwe Mbongo wasa ilo kola biblia Biblia mbola oya ko bongisa lokola mbongo ako bongisa pe ako bebisa bato msuli kola mbongo babeli sida mbongo na ye moko emimi etie kundie na tongo ya chere.